Et pour démarrer, moi je vous propose Xao qui est en pleine forme en ce dimanche matin. Et on va partir du côté de Sénéo dans un instant rejoindre Quentin. Bon week-end à tous. Il ou elle a dit les nouvelles ne sont pas bonnes. Je ne le dirai qu'à toi, ne le dis à personne. Il ou elle a fait, je crois qu'il y a eu mal donne. Ça m'étonnerait vraiment que quelqu'un lui pardonne. J'entends des bruits de couloir au loin qui résonnent. Que ce soit vrai ou faux, tout le monde en fait des tonnes. Si l'ami de tout le monde est l'ami de personne, laissez-moi dans mon coin, ici l'ambiance est bonne. Non, tu n'as pas idée, c'est chaud. Pourquoi verbaliser, c'est chaud. L'ambiance est validée, c'est chaud. Le terrain balisé, c'est chaud. Laisse-les parler. Tu me parles de ma vie, tu sais nada. T'es de ces personnes qui m'y tonnent grave. C'est vrai que t'es gentil, mais t'es pas fiable. Encore plus faux que le mec qui n'a pas de défaut. Un tel et un tel sont ensemble, mais c'est vrai. C'est le mytho du coin qui raconte ça. Il a gagné au loto et zappé la mif. Quand le bonheur s'approche, les jaloux pas. Tu l'as quitté d'après ce que tu racontes. Elle t'a quitté d'après ce qu'elle elle raconte. Chacun sa raison, tout le monde parle, mais chacun sa version. Laisse-les croire, laisse-les jacter. T'es dans l'hypocrisie, on gravit les paliers. Éloigne-moi des soucis, je suis fatigué. J'ai pas leur temps, je m'enjaille. Non, tu n'as pas idée, c'est chaud. Pourquoi verbaliser, c'est chaud. L'ambiance est validée, c'est chaud. Le terrain balisé, c'est chaud. Laisse-les parler. J'ai les oreilles qui sifflent, carton rouge. J'ai les oreilles qui sifflent, carton rouge. J'ai les oreilles qui sifflent. Tout le monde qui n'a pas idée. C'est chaud. Pourquoi verbaliser, c'est chaud. L'ambiance est validée, c'est chaud. Le terrain balisé, c'est chaud. Laisse-les parler. Demain on aura zappé. Xao sur Énergie avec laisser les Kouma. Je sais pas ce que c'est en tout cas. La fête du sport à Sénéo. Plus de 25 disciplines sportives à découvrir avec Énergie. Et moi je vous propose de partir, hein. C'est la première du nom. Merci, bonjour d'être avec nous. Et puis vous le savez, les Sport News vont reprendre petit à petit pour être en pleine forme dès samedi prochain, 10h-12h. Et une émission spéciale ce matin, nous allons partir du côté de Sénéo pour retrouver notre ami Quentin qui est en pleine forme, qui a passé une nuit dans une salle de sport extraordinaire. Quentin est avec nous. Et on va le retrouver tout de suite. Effectivement, JF, toujours ici en direct. Bonjour, bonjour à tous. Deuxième édition de la fête du sport, également deuxième journée avec un monde qui commence à arriver. Hier, on a réussi à battre quand même les 4000 personnes, 4000 entrées ici même à Sénéo. Et ce matin, déjà, premier invité, c'est Gérard Cocampo du WCOD. Monsieur Cocampo, bonjour. Bonjour. Alors déjà, pour commencer, nous présenter un petit peu votre association, hein, qui ne connaissent pas. En quelques mots, donc l'association, c'est Wattcastle Organisation Diverse, qui, comme son nom l'indique, organise différentes courses à pied. La prochaine course est d'ailleurs celle de Saint-Martin-et-Tintingant, le 11 septembre, et ensuite le 2 octobre, la course du Marais de Saint-Omer. Donc il y a également l'organisation de la course des garçons de café que vous avez fait cette année. Oui, alors là c'est pas directement une course à pied, mais c'est vrai qu'on s'en occupe également, tout ce qui est informatique, tout ce qui est sécurisation des participants. Donc il y a une équipe de bons bénévoles, j'imagine, avec plus de 50 bénévoles. Nous sommes plus de 50 bénévoles qui, tout au long de l'année, œuvrent à la réussite de ces courses et à certaines courses. Course du Marais, on est 80, course Wattcastle, Saint-Omer-Cassel, on est 200. Donc est-ce qu'on peut encore vous rejoindre Ah oui, oui, il n'y a pas de problème. Si on veut nous rejoindre en tant que bénévole, il n'y a pas de souci. Pour s'inscrire aux courses, il n'y a pas de problème. Mes coordonnées sont dans la presse sur Internet. Il n'y a pas de souci. Est-ce que le bilan de l'année dernière était favorable pour vous? Le bilan a été très bon et surtout le bilan des courses du Challenge Cazo, puisque nous avons créé un Challenge Cazo qui s'appelle Cazo Courir autour de Saint-Omer et non pas Comité d'agglomération de Saint-Omer, mais qui regroupe les différentes courses à pied de l'agglomération Audemars-Oise. Il y a 11 courses à pied qui sont organisées et qui ont, cette année et pour lesquelles on a énormément de coureurs qui y participent. Vous avez d'autres organisations, d'autres événements à organiser cette année? Ah, pour la fin de l'année, non, l'année se termine, mais sinon nous avons la course de Saint-Martin-Hollard, côté Saint-Martin-Hollard. On s'occupe également de différentes courses du Challenge et du Challenge Cazo et du Challenge Démon. Mais la course la plus importante pour notre association, c'est la course Oise-Cassel, Saint-Omer-Cassel. Et c'était plutôt bénéfique pour vous hier, ces 4000 entrées? Alors hier, oui, on a eu une affluence très importante, puisqu'il y a eu 4100 et quelques entrées. Les passeports pour les jeunes ont connu un succès important. Donc on a distribué a priori plus de 600 passeports jeunes et on voit dès maintenant, déjà il est 10h02, les jeunes venir avec leurs passeports et faire le tour des différents stands, des différentes animations pour remplir ce passeport et avoir leur lot à la sortie. On rappelle également que l'année dernière, vous avez fait plus de 5000 entrées en deux jours. L'année dernière, il y a eu 5000 entrées en deux jours. Hier, on a fait 4100 entrées. Donc, on espère, on battra certainement le record de l'an dernier. Alors maintenant, combien nous aurons de monde, on vous le dira ça ce soir, puisqu'on fait un décompte quand même très précis. En espérant qu'il ne pleuve pas. Et actuellement, il ne pleut pas à Saint-Omer. Donc, les activités extérieures sont maintenues. Gérard Coucompo, merci. Merci à vous. Tout de suite, retour à la musique sur Énergie, et c'est Gnash qui arrive. Bon week-end. Merci Quentin, on se retrouve naturellement tout au long de cette matinée, émission spéciale Sport News, naturellement en direct de Sénéo. Et nous allons retrouver à 11h, puisque hier soir s'est prolongée cette journée du sport, puisque ça a continué très tard hier soir avec le futsal, Saint-Omer Futsal, qui organisait un match de gala face à Saint-Paul-sur-Mer. On en reparle à 11h avec quelques interviews de la rencontre d'hier. Tout de suite, retour à la musique sur Énergie. Merci d'être avec nous. La Fête du Sport, un événement organisé par la communauté d'agglomération de Saint-Omer. I miss you when I can't sleep, or right after coffee, or right when I can't eat. I miss you in my front seat, still got sand in my sweaters from nights we don't remember. Do you miss me like I miss you? Messed around and got attached to you. Friends can break your heart too, and I'm always tired but never of you. If I pulled a U on you, you wouldn't like that. I put this real out, but you wouldn't bite that. I type a text, but then I never mind that. I got these feelings, but you never mind that. No, oh, keep it on the low. You're still in love with me, but your friends don't know. If you wanted me, you would just say so. And if I were you, I would never let me go. I hate you, I love you, I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else. Just miss you on my arm. Wedding bells were just alarms. Caution tape around my heart. You ever wonder what we could have been? You said you wouldn't and you did. Lie to me, lie with me, get your fix. Now all my drinks and all my feelings are all mixed. I'm always missing people that I shouldn't be missing. Sometimes you gotta burn some bridges just to create some distance. I know that I control my thoughts and I should stop reminiscing. But I learned from my dad that it's good to have feelings when love and trust are gone. I guess this is moving on. Everyone I do right does me wrong. So every lonely night I sing this song. I hate you, I love you, I hate that.

Dimanche 4 septembre, 19h, la ville d'Air-sur-la-Lys présente l'événement musical de la rentrée avec énergie. Sur scène, Willy William, Amine et la folie des années 80 avec Cookie Dingler, Jean-Pierre Madère et William du groupe Début de soirée. Plus de 2 heures de concerts live gratuits offerts par la ville d'Air-sur-la-Lys, animé par énergie. Willy William, Amine et la folie des années 80, dimanche 4 septembre. Grand place d'Air-sur-la-Lys dès 19h. En finale, feu d'artifice pyro-symphonique à 22h au Barreau des Alliés. L'impression d'une vie dans le noir, l'ennui éteint tous nos espoirs, inconscient, une vie illusoire. Et incapable de voir. Mais tu sais que sans en avoir l'air, tu construis l'histoire. À chacun sa gloire. S'arrêter quelques heures, s'en aller comme un avion qui passe dans ce monde qui nous laisse. Fête du sport à Sénéo. Plus de 25 disciplines sportives à découvrir avec énergie. Et c'est un rendez-vous hein, pour ceux qui ont fait Grasse Mat, qui viennent de nous rejoindre. Vous avez entièrement raison, c'est une bonne idée. Et nous sommes ensemble jusque 13h. Fête du sport et les Sport News qui redémarrent petit à petit dans l'émission. Nous allons parler football. Avant de rejoindre Pascal Ferriot et notre ami Quentin, je vous rappelle que hier, eh bien, Saint-Omer Futsal a joué un match de gala à Morigny. C'était eh bien, une salle comble, et grand public et naturellement le président était content. Et nous allons parler et revenir sur cette rencontre tout à l'heure à 11h avec quelques interviews. Tout de suite, eh bien, nous allons retrouver Alvaro Solar dans un instant. Par avant, je vous propose de faire la balade du côté eh bien, de Quentin qui est avec un invité de marque. Et c'est bien sûr Pascal Ferriot qui est avec nous. Quentin est avec nous. Effectivement, JF, toujours en direct ici à Sénéo avec du monde qui commence à arriver. Hein. Je vous le cache pas, hier on a fait quand même plus de 4000 entrées. ce qui est énorme. Donc on va battre certainement aujourd'hui le record de sur l'an dernier. Et j'ai un nouvel invité avec moi qui est le président de l'USSO, Pascal Ferriot. Pascal, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans les Sport News ce matin jusqu'à 13h. Donc belle opération hier à Valenciennes pour votre équipe, pour l'USSO évidemment. Victoire de 1, but de Morgane Leduc et de Blancard. Votre oui, avis. C'est une victoire qui fait beaucoup du bien au moral et c'est surtout pour apporter de la sérénité et de la confiance. Alors est-ce qu'on peut tisser déjà l'objectif de l'USSO qui est la montée en CFA2? Non, du tout, du tout. On va déjà le premier match contre Béthune, c'était pas simple hein, parce qu'on avait perdu l'année passée deux fois 4-0 contre cette équipe-là. Donc c'est une nouvelle équipe avec beaucoup de jeunes, d'accord. Donc il faut que l'amalgame se fait bien et puis il faut que ça se fasse tout doucement. Mais ce que j'ai vu hier, beaucoup de solidarité, de la complicité et du plaisir, et ça c'est le plus important. Alors de bonnes recrues pour vous cette année ? Oui, bon, disons c'est que le début de saison aujourd'hui, donc bon, d'avoir le principal recrue c'est d'avoir conservé nos joueurs, d'accord, par rapport à ça, et puis l'apport de Maxence Morgane-Duc qui connaissait déjà un peu l'US, ça, et puis le retour de certains joueurs qui jouent en équipe B. Bon, faut pas oublier qu'il y avait quand même trois garçons qui avaient 19 ans, 20 ans qui faisaient partie du de l'équipe type pour jouer hier contre Valenciennes, mais c'est rassurant. Alors est-ce qu'on peut dire que l'USSO a une grande importance ici à la fête du sport aujourd'hui? L'USSO se doit d'être là à la fête du sport parce que c'est important. En plus parce que bon, la comité d'agglomération soutient l'Union sportive de Saint-Omer et nous il faut qu'on soit présent, qu'on fait des animations à chaque fois. Bon, aujourd'hui il y a 10 filles du pôle féminin pour faire du beach soccer, pour faire des petits tests techniques qui sont là aujourd'hui. C'est important aussi d'être là, de rencontrer d'autres activités, de voir de présidents par rapport à l'arbelette, président du trampoline, président du tennis de table, parce qu'on est toujours la tête dans le guidon et on ne voit pas ce qui se passe autour de nous et on voit que vraiment il y a des associations très dynamiques à Saint-Omer, dans le Domarois. Alors on a vu une innovation de votre côté, le foot féminin. Est-ce que c'est une grande place? Est-ce que le foot féminin a une grande place à l'USSO? Ah bah le football féminin va prendre une grande place dans le Domarois parce que bon, avec nos amis les Arquois et de Aline, on a fait un petit bout de chemin ensemble, mais il en reste encore beaucoup. Mais la voie est tracée. Et quand on voit aujourd'hui, on a plus de 80 licenciés au niveau des féminines. Et vous dites que, et puis il y a de la qualité, il y a de l'envie. Et on a des éducateurs aussi qui sont très, très, très compétents. Et il ne faut pas oublier non plus à travers les féminines, c'est qu'on a eu le titre décerné par la Ligue Nord-Pas-de-Calais, le deuxième club de formation de la Ligue Nord-Pas-de-Calais. Et ça, c'est important. C'est le travail qui a été fait en amont. D'accord ? Mais il faut continuer dans ce sens-là. Et le week-end prochain, pour terminer, vous rencontrez une nouvelle équipe. Est-ce que vous avez, vous croyez en la victoire? La fois prochaine, c'est la Coupe de France. Coupe de France. Donc c'est le troisième tour, donc faut être très très vigilant. Hein. Le petit qui peut manger éventuellement le gros. Hein, on a failli passer à la trappe l'année passée avec Gagné les Bléquins. Et vous savez, après Gagné les Bléquins, on a battu le Havre et puis on s'est retrouvé en 32e comme Boulogne où on a failli débattre. Donc ça se joue à tous les détails. Donc il faut rester humble, il faut continuer à travailler et puis aller de l'avant. Pascal Ferriot, merci d'être passé ce matin dans l'émission. Merci, c'est pas compliqué. Je suis en voisin, donc je suis sur le stand. On passe quand vous voulez. Merci. Tout de suite, retour à la musique sur Énergie. Et c'est Alvaro Soler. On va parler dans un instant de sport. On continue le sport ici même à Sénéo avec énormément de monde. Il y a également la country, la danse country qui a démarré, puisque c'est le fil rouge de cette deuxième édition de la fête du sport sur Énergie. Merci Quentin, on te retrouve naturellement dans quelques minutes et puis on reviendra bien sûr dans les Sport News dès le week-end prochain sur la Coupe de France avec l'USSO et on aura bien sûr quelques invités, des nouvelles recrues. Tout de suite, retour à la musique sur Énergie. La fête du sport, un événement organisé par la communauté d'agglomération de Saint-Omer. Numéro 1 sur les nouveaux hits. C'est Alvaro Soler, ici c'est Energy. Sueño cuando era pequeño, sin preocupación en el corazón. Sigo viendo aquel momento, se desvaneció, desapareció. Ya no te creo, ya no te deseo. Mira Sofía,

prie pour que mieux je me porte. Ne me jetez pas la faute, ne me fermez pas la porte. Oui, je vis de jour en jour, squat en squat, un troubadour. Si je chante, c'est pour qu'on me regarde, ne serait-ce qu'un petit bonjour. Je vous vois passer quand je suis assis, vous êtes debout près, c'est j'apprécie. Un petit regard, un petit sourire, me prennent le temps, ne font que courir. Merci. Merci bien pour la pièce, en ce moment c'est dur, je confesse. Moi je vais m'en sortir, je l'atteste. Toujours avoir un toit, une adresse. Si de toi à moi c'est dur, je stresse. Le moral n'est pas toujours bon, le temps presse. Mais bon, comment faire? À part l'ivresse comme futur, que tes promesses en veux-tu? Voilà ma vie, je me suis pris des coups dans la tronche. Sois sûr que si je tombe par terre, tout le monde passe, mais personne ne bronche. Franchement, à part les gosses qui me regardent étrangement, tout le monde trouve ça normal que je fasse la manche. M'en veuillez pas, mais parfois j'ai qu'une envie abandonnée. Si je m'endorme, réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous, malgré toutes mes galères, je reste un homme de vous. Priez pour que je m'en sorte, priez pour que mieux je me porte. Ne me jete pas la faute, ne me ferme pas la porte. Si je m'endorme, réveillez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous, malgré toutes mes galères, je reste un homme de vous. Si je m'endorme, réveillez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais. J'adore cette chanson, j'espère que l'album vous plaira également. Claudio Capeo sur Énergie. La fête du sport à Céléo. Plus de 25 disciplines sportives à découvrir avec Énergie. Et les troisièmes mi-temps, eh bien, sont aussi rudes que l'after après un concert. C'est bien sûr, on va parler rugby. Et nous allons retrouver Quentin avec le Rugby Club Audomarois. Ils sont nos invités, sont nombreux, à mon avis, sur le plateau de Céléo. Et on retrouve Quentin en direct de Céléo. Oui, en effet, JF, nous sommes ici toujours à Céléo avec un monde qui commence à arriver, énormément de monde, beaucoup d'enfants surtout qui essayent de s'initier aux valeurs du sport, qui essayent également d'avoir les valeurs du sport en eux. Et aujourd'hui, nouvel invité avec moi, c'est Alain Bressel, directeur de l'école de rugby au RCA. Bonjour Alain. Bonjour. Merci énormément d'être avec nous dans les Sport News ce matin, donc jusque 13h évidemment. Donc le RCA, donc le rugby, avec un bilan à tracer peut-être de la saison dernière. Alors le bilan de la saison passée est très positif concernant les seniors qui évoluent en division d'honneur depuis deux saisons. On terminait à la troisième place de leur championnat, un championnat très relevé parce que c'est vraiment le plus haut niveau régional. Ils ont loupé de très peu certains matchs contre les deux premiers de cette poule, ne leur permettant pas d'accéder à l'échelon supérieur, c'est-à-dire la Fédérale 3. Mais ils ont pu participer quand même au championnat de France honneur. Bon, ils ont été éliminés assez rapidement, mais ils ont pu y participer. Alors pour cette nouvelle année, est-ce que vous avez des nouvelles recrues pour essayer de faire encore mieux que l'an dernier? Alors, nous, on gravite essentiellement avec le cru du club. Nous, c'est basé essentiellement sur les jeunes du club, que ce soit de l'école de rugby, des tout-petits, des U6 jusqu'au U14, et nous, notre fierté, la fierté du club, c'est de faire graviter ces jeunes ensemble pour évoluer un jour en senior. Ça permet d'avoir quand même sur le terrain une certaine cohésion sportive et bon pour le jeu d'équipe. Et les objectifs de cette année? Alors cette année, toujours être dans les premiers de division d'honneur et pourquoi pas la Fédérale 3, mais ça on verra au fur et à mesure. Alors on va rester dans cette magnifique fête du sport avec énormément de monde évidemment. Pensez-vous que cette fête du sport va attirer de nouveaux licenciés cette année? Je pense, hein, vu le monde qu'on a eu hier et vu l'événement de la saison passée où on a eu quand même un bon retour. Bon, je peux parler essentiellement au niveau de l'école de rugby. En 2014-2015, nous étions à 70-75 licenciés. Et c'est l'année passée, nous étions à 85-90. Bon, c'est vrai qu'on fait des événements entre deux également, initiations dans les écoles, des actions avec McDo, essentiellement McDo Kids, et dans les IME, dans les quartiers sensibles. On essaye d'attirer du monde vers le rugby. Alors les seniors du rugby ont repris il y a quelques semaines déjà, donc des événements et aussi des matchs à venir pour les semaines à venir. On va commencer déjà au plus proche, hein. Bon, c'est la semaine prochaine, c'est le cinquantenaire du club. Bon, c'est un événement au club, hein, le cinquantenaire. Samedi prochain, bon, c'est vrai qu'au stade de rugby à Charles de Gaulle, dès 15h sur le terrain, il y aura un entraînement d'école de rugby, c'est-à-dire on montrera aux personnes présentes ce qu'on fait à l'école de rugby le mercredi. Chacun aura sa petite partie de terrain et montrera les petits exercices, des petits jeux, etc. L'essentiel du rugby chez les petits, donc chez les plus jeunes. J'imagine qu'en étant petit, il faut avoir quand même de bonnes conditions physiques pour intégrer une telle équipe. Non, pas forcément. Il y a la place pour tout le monde, hein. C'est ce que j'ai dit hier à la Voix du Nord. Bon, c'est vrai que des plus petits aux plus grands, les plus costauds, on a besoin de tout le monde au rugby, hein. C'est le sport d'équipe à l'état pur, hein. On a besoin de tout le monde. On n'a pas plus de vedettes. Ce ne sont pas des vedettes, hein. C'est l'ensemble qui fait une équipe au rugby. Et pour les jeunes qui nous écoutent là en ce moment dans les Sport News jusque 13h évidemment, quelles démarches doivent-ils faire pour intégrer l'école de rugby? Alors bon, c'est vrai que la reprise de l'entraînement c'est mercredi prochain, 14h30, 16h le premier entraînement. Alors j'invite les enfants qui seraient intéressés de venir nous voir essayer le rugby. On se rapproche du clubhouse, on va voir le secrétariat pour donner son nom, parce que bon, pour être couvert au début au niveau assurance, parce que les enfants ont le droit d'essayer 4 fois le rugby avant de prendre une licence, hein, qui est d'un montant de 40€ cette année. C'est en baisse par rapport à la saison passée. Donc c'est sans limite d'âge, hein, j'imagine. Ce sont au commencement c'est des UC jusqu'au U12 et c'est ce tarif là. Bon, voilà. Très bien. Bah, Bressel, merci d'être passé ce matin dans les Sport News. On vous revoit, oui, très bientôt. Sinon, est-ce que je peux vous donner les premiers matchs de championnat senior? Ouais, le championnat senior va commencer le 18 septembre. Hein, les seniors iront au Touquet pour leur premier match. La semaine d'après, le 25, ils joueront à domicile contre Cambrai. Alors j'invite les personnes qui veulent découvrir le rugby ou encourager notre club de venir nombreux au stade. On les attend, ils verront l'ambiance qu'il y a au club. Une super ambiance. Et qu'est-ce qu'on souhaite pour cette année au RCA? Plein de bonnes choses, comme d'habitude. Il y a un esprit remarquable dans ce club. Eh bien, on l'espère. À la Bressel, merci d'être passé ce matin dans les Sport News. Tout de suite, retour à la musique avec Drake sur Énergie. Bon week-end. Merci Quentin, on te retrouve dans un instant. Puis on retrouve le futsal, puisque Saint-Omer Futsal a joué hier soir dans, bien sûr, le cadre de la fête du sport. C'était à la salle Morigny, match de gala avec beaucoup, beaucoup de public. Et on espère autant pour les matchs du championnat. On revient sur la rencontre face à Saint-Paul-sur-Mer. Ce sera dans un instant, juste après Drake. Il est très exactement, carrément, et oui, et 11h. La fête du sport, un événement organisé par la communauté d'agglomération de Saint-Omer. Et bon week-end sur Énergie. Dans la course avec les Sport News sur Énergie. Et on se retrouve dans un instant et bien sûr un petit flashback de Saint-Omer Futsal qui jouait hier soir face à Saint-Paul. Grips on your ways, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your style. Strength and guidance, all that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time, and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. À Céléo. Plus de 25 disciplines sportives à découvrir avec énergie. Et c'est une édition spéciale. Ce matin, vous avez pu le remarquer, les Sport News redémarrent dès le week-end prochain en pleine forme, naturellement. Et hier soir, eh bien, a eu lieu un match de gala de futsal. Saint-Omer Futsal, eh bien, rencontré Saint-Paul-sur-Mer. Belle rencontre des Audomarois sur le score de 5 à 3. Domination, eh bien, des, la première période de Saint-Omer. Yaou de Saint-Paul et Julien Mercier de Saint-Omer reviennent, bien sûr, sur cette rencontre. On va dire que c'est un match de préparation et comme Saint-Omer, c'est une équipe qui monte en DR, c'est un bon test pour nous et des choses à améliorer. Mais c'est une bonne équipe en face, quoi. 5-3 le résultat, qu'est-ce qui a fait la différence pour toi aujourd'hui? L'entraînement, la préparation, je pense qu'on n'était pas assez prêts, on n'a pas enchaîné beaucoup, on vient de reprendre quelques entraînements mais pas suffisamment. On sent qu'il manque un peu de cohésion parce qu'il y a des nouveaux joueurs, je pense que pour l'avenir il n'y a pas de problème, on a un bon effectif et face à nous, avec Saint-Omer, c'est une bonne équipe qui mérite amplement sa montée, on l'a vu aujourd'hui dans le match. Hein. On vise la montée parce qu'on a raté la montée de peu, on était égalité avec le premier, c'est joué au goal average, donc on est resté en première division mais là c'est la montée. Une équipe qui a du potentiel pour toi? Bien sûr, du potentiel, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de jeunes, la moyenne d'âge de 20 ans. Je crois le plus âgé d'entre nous c'est 24 ans. On a un très beau potentiel, maintenant ça a amélioré bien sûr. On a vu la différence avec Saint-Omer, on a vu qu'il y avait des joueurs plus expérimentés. Nous on avait quelques joueurs expérimentés, après on n'avait pas tout le groupe parce qu'il faut savoir que c'est au mois de septembre, il y a encore des gens qui sont en congé, en vacances. Il était équilibré sur le papier. Et sur le papier au début, on a essayé de mettre en place nos réglages, etc. pour l'avant-saison. C'était le premier match de préparation. On a fait un mois d'août où on s'est bien préparé, on s'est bien entraîné. Là on a intégré un bel effectif de 11 joueurs pour justement pouvoir varier les postes, etc. Et dont deux nouvelles recrues. Ali et Mohamed qui ont fait le boulot aussi. Qui ont bien joué. Qui ont très bien joué, surtout Ali qui a fait preuve de foudre. Du coup, on essaye de peaufiner les derniers réglages pour reprendre le championnat fin septembre. Et donc bah, l'objectif de cette année, déjà prouver ce qu'on a fait l'année dernière, à savoir les deux montées. Donc comme on dit, à la suite d'une montée, il faut normalement rester dans la division. Et si on peut voir un peu plus haut, pourquoi pas. Bon, c'est une belle continuité, t'as fait du sport qui te passe à Sénéo aujourd'hui, ce week-end. Exactement, exactement. Un petit regret peut-être que si on avait pu faire le match à Sénéo, ça aurait été top. Mais bon, on l'a accueilli ici. C'était pris, du coup on l'a fait ici et il y a eu pas mal de gens qui se sont mobilisés, etc. Et c'était vraiment cool. Merci à toi et bravo, 5-3, on va le résultat. Bon ben très heureux alors. Bah excellent, ouais, c'est une bonne fin de soirée qui s'annonce. Merci à vous. On va la buvette. Allez, on va boire une bière. Voilà, Julien, merci donc de Saint-Omer auparavant. Eh bien, c'était Yaoud de Saint-Paul-sur-Mer. Des regrets, bien sûr, de ne pas avoir joué à Sénéo, mais vite oublié avec la victoire 5-3 donc face au Nordiste. Dans quelques semaines, bien sûr, reprise du championnat pour le futsal. Ce sera fin septembre. Voilà, je vous rappelle la victoire donc de Saint-Omer 5-3. C'était hier soir. Dans un instant, retour à la musique et on va repartir du côté de Sénéo dans quelques petites minutes. Merci d'être avec nous ce matin. La fête du sport, un événement organisé par la communauté d'agglomération de Saint-Omer. Les Sport News, l'essentiel du sport sur Énergie. Flashback to the time in your life when you thought it would be easy. But it's hard when you take on the world alone. A one shot that you fire at the sky, hoping someone else can see it. Just a sign that you're not at the wrong. Fête du sport à Sénéo. Plus de 25 disciplines sportives à découvrir avec énergie. Et c'est vrai que moi je vous propose de faire la balade du dimanche, soit matin ou après-midi, et de partir eh bien, Sénéo avec vos enfants, découvrir et leur faire découvrir le sport de leur choix. Et nous allons rejoindre Quentin en direct de Sénéo pour cette belle fête du sport. Et c'est comme ça qu'on démarre les Sport News. La saison enfin. Évidemment, JF toujours en direct ici à Sénéo avec pas mal de personnes qui commencent à entrer et sortir évidemment. Je pense largement qu'on a battu le record de l'an dernier puisque hier nous avons fait 4000 entrées, je le rappelle. Et aujourd'hui, ben, je pense qu'on atteint au moins les 6 ou 7000 entrées. Et nous avons ce matin avec nous dans les Sport News Francis Castelin du club canin de Rackingham. Francis, bonjour. Bonjour, bah bonjour à tous et merci de m'accueillir. Bah, merci à vous d'être avec nous dans les Sport News ce matin. On va parler un peu de chiens. Oui. Alors le nombre de bénévoles pour votre association Le nombre d'adhérents tourne aux alentours un peu entre 100 et 120 à l'heure actuelle. On peut toujours s'inscrire, si possible. On peut toujours s'inscrire. Alors, surtout penser que beaucoup de monde ne sache pas qu'on fait les, ne savent pas qu'on fait maintenant les écoles du chiot. Et les chiots, c'est là, bah, c'est à 2 mois et demi dès la première vaccination qu'on peut commencer à les travailler. Ça permet d'avoir un chien beaucoup plus sociable avec beaucoup moins de soucis dès qu'il commence à grandir. Alors, je vois beaucoup d'activités. Sur la feuille là, il y a l'éducation, les expos, l'agility. Il y a de l'agility, ça c'est pour les gens qui veulent aller en compétition, donc là c'est une activité sportive. Un parcours d'agility, il fait entre 150 et 200 mètres avec entre 15 et 22 obstacles. Le chrono descend en dessous de 45 secondes. Donc là c'est vraiment du travail physique. Et ensuite on a du canicross. C'est quoi canicross? C'est la marche. Alors maintenant il y a la marche, il y a les randonnées pédestres, il y a du canicross, donc là on court avec le chien. Là où le chien il est devant et il nous tire avec un harnais. Après, il y a le canier et puis le VTT maintenant aussi qui se met en place. Mais enfin, pour nous, là, c'est pas une discipline pour nous maintenant qu'on organise. Et je vois aussi les chiens visiteurs, ça c'est pour les hôpitaux, c'est ça? Les chiens visiteurs, ça c'est, ben, nous, le club, on l'avait créé en 95 et là, ça fait 4 ans maintenant qu'on a mis en place une section chiens visiteurs. Et on a une douzaine de personnes qui sont formées et diplômées pour rendre visite aux personnes âgées dans les EHPAD. Hein, en ce moment, on fait Eckerd. Centre Bernard de Vulder, on fait l'Ave Maria à Wardreck, on fait Elfo à l'Arc-en-Ciel. Et ben là, les adhérents, les diplômés vont une après-midi par semaine rendre visite à toutes ces personnes pour essayer de leur monter un petit peu le moral. Alors on va rester un petit peu dans cette fête du sport. Hein. Quelle est l'importance de votre présence ici? L'important de la présence, ben c'est surtout de faire bien comprendre aux gens que l'éducation canine, c'est pas quelque chose de simple. C'est une discipline sportive pour certaines disciplines, et puis dans l'autre, c'est plutôt de la randonnée et du travail simple. Par contre, il faut pas oublier que la différence entre beaucoup d'activités sportives, ce qui est avec nous, c'est quelque chose qui est vivant. Et c'est pas quelque chose qu'on rentre après l'activité, qu'on range dans un placard ou qu'on met derrière un tableau. Non, là, le chien, il faut continuer à l'entretenir, il faut continuer à le soigner. Et le jour où malheureusement qui est malade, bah, c'est des moments où la discipline qu'on pratique est forcément réduite. Donc il faut vraiment s'occuper de sa bête et bien la soigner. Et pour tous ceux qui nous écoutent de l'autre côté du poste, comment devenir bénévole dans votre association? Comment devenir bénévole, c'est tout simple. Hein. Vu que maintenant avec l'école du chiot, on est obligé d'avoir des entrées au club toute l'année. Donc les gens peuvent nous téléphoner, ils nous rejoignent. Ils viennent nous voir le samedi après-midi ou le mercredi après-midi ou le vendredi soir. Enfin maintenant, des activités presque tous les jours de la semaine. Et ils prennent rendez-vous avec nous, ils viennent nous rejoindre, on fait l'accueil, on va leur expliquer comment on travaille, comment on évolue. Et puis derrière ça, ben, ça sera directement du travail sur place. Et puis ben, ils apprendront avec nous à travailler leur chien et ils peuvent arriver quand ils veulent. Est-ce qu'il y a une limite d'âge particulière à cette inscription? Non, on n'a pas de limite d'âge. Surtout pour tout ce qui est éducation canine de base, il n'y a pas de limite d'âge. Ceux qui veulent aller en activité physique comme l'agility, là, faut quand même avoir une bonne condition physique. Après le reste, on peut faire beaucoup de choses. Le plus important, c'est d'avoir un chien où la personne qui travaille le chien soit capable de le maintenir. Alors, on va pas donner à un gamin de 15 ans un Terre-Neuve de 80 kilos qui va le promener à travers tout. Il faut au minimum que la personne sache tenir correctement son chien. Votre stand est situé dans le hall de Sénéo? Oui, à l'entrée. Quelles activités on peut y faire sur votre stand? Allez, sur le stand, ben là on fait une présentation parce que présentation. Bon, pour Sénéo, les chiens, ben, on n'a pas pu les prendre pour en démonstration. Mais bon, on explique qu'on a des vidéos sur l'éducation, on a des vidéos sur l'école du chiot, on a des vidéos, des photos sur les concours d'agility, enfin, on a pas mal de choses, d'explications. Et après, ben, tout simplement, on invite les gens à venir nous voir un samedi après-midi pour parler plus en détail s'ils veulent des renseignements plus complémentaires. Eh bien voilà, venez-y, Fête du Sport, 2e édition ici à Sénéo. Francis Castelin, merci d'être passé ce matin dans l'émission. Ben, merci à vous. On se revoit très bientôt, okay, j'espère. Parfait, pas de soucis. Tout de suite, retour à la musique sur NRJ et c'est Jonas Blues qui arrive. Bienvenue. Merci Quentin, on te retrouve dans un instant naturellement en direct de Sénéo et puis Michael Jackson juste après, c'est promis, c'est juré. La Fête du Sport, un événement organisé par la communauté d'agglomération de Saint-Omer. Playing no games. I see ya.

laisse la première place, oh baby. T'es là mon sourire. Je ferai en sorte que tes peines soient qu'un souvenir. Après le bonheur tu n'auras plus à courir, car auprès de toi je le ferai venir. Si toi et moi font nous, on fera des jaloux. Et je suis prêt à prendre le risque. Ton autre amour est plus fort que tout, yeah. Dis-lui que c'est la femme qu'il te faut. Mais surtout n'hésite pas, laisse-la prendre la première place. Dis-lui, je ferai de ta vie un rêve. Tu pourras tourner la page, je ferai de ta vie un rêve. Si tu me laisses la première place, oh baby. Matoka dan da dan da dan, allez dan da dan da dan dan, matoka dan da dan da dan. Je ferai de ta vie un rêve. Tu pourras tourner la page. Je ferai de ta vie un rêve. Si tu me laisses la première. La fête du sport à Sénéo. Plus de 25 disciplines sportives à découvrir avec énergie. Et nous allons partir dans un instant du côté de Sénéo. Et non, Quentin, il n'y a pas encore de joueurs turcs au SCRA. Ils sont bien portugais et ils seront là fin septembre pour la reprise du championnat. On retrouve Diane, la présidente du SCRA. Eh bien, nos invités, naturellement, puisqu'on va parler roller également et école à suivre. C'est Quentin qui est avec nous en direct de Sénéo pour la fête du sport. Il est 11h34. Et on repart du côté de Sénéo. Effectivement, JF toujours présent ici pour cette deuxième édition de la fête du sport à Sénéo, avec pas mal de monde qui commence à arriver. Beaucoup de monde, énormément de monde, puisque hier, je le rappelle, on a fait plus de 4000 entrées, donc ce qui était un record battu par rapport à l'année dernière. Et avec moi ce matin dans les Sport News, j'ai Diana Savreux, la présidente du SCRA. Diana, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans les Sport News ce matin, évidemment jusque 13h. Donc l'équipe du SCRA, là, un petit bilan pour l'année dernière. Alors la saison dernière, donc, on atteint le quart de finale de Coupe d'Europe, on est finaliste de la Coupe de France. En championnat, donc, on termine à la 6e place, donc on va dire que c'est quand même une saison assez satisfaisante, même si au niveau du championnat, on pouvait, on espérait évidemment mieux. L'équipe s'est très mal déplacée, on finit premier des matchs à domicile et à l'extérieur, on a un peu pêché. Et donc, des objectifs pour cette nouvelle saison ? Bien sûr. Avec des nouvelles recrues ? Deux nouvelles recrues. Donc déjà, on aura deux équipes seniors la saison prochaine, puisque l'année dernière, on avait dû mettre fin à notre deuxième équipe senior, puisque beaucoup de jeunes étaient partis sur l'île dans le cadre de leurs études. Donc, en termes d'effectifs, c'était un petit peu juste. Cette saison, on a un effectif assez étoffé, ce qui pourra peut-être amener un petit peu de concurrence qui nous faisait peut-être défaut l'année dernière. C'est sûr que quand on a sa place, on ne cherche pas à l'avoir. Donc là, avec un effectif étoffé, je pense que ça peut effectivement mettre une bonne dynamique au niveau des entraînements. Alors, vous nous parliez de jeunes à l'instant. Donc justement, à quel âge puis-je commencer le rink hockey ? Alors, on a la maternelle patin. Et on peut commencer l'école de patinage, ce qu'on appelle cette maternelle patin, dès l'âge de 2 ans. Donc les tout petits qu'on initie de manière très ludique au patinage, le but étant d'apprendre un petit peu l'équilibre. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut aussi servir dans d'autres sports par la suite. Donc c'est vrai que les prendre dès l'âge de 2 ans, pour nous c'est important de leur donner quand même quelques bases au niveau du roller. Et ensuite on a l'école de patinage, donc qui concerne les plus grands. Donc on va rester un peu sur cette deuxième édition de la fête du sport. Donc votre stand est situé un peu dans le fond de la salle. Il y a énormément de jeunes qui sont venus s'initier, on l'a vu. Qu'est-ce que ça représente pour vous justement d'avoir autant de jeunes? Mais c'est très important puisque pour nous c'est un vivier pour puisque bon, je dirais au niveau du SCRA, évidemment c'est le ring hockey. Donc dès l'instant où on débute, dès le plus jeune âge, c'est un sport qui requiert beaucoup de technicité et évidemment maîtrise du patinage. Donc si on commence très tard le patinage, c'est un peu difficile d'être ensuite performant au niveau de l'équipe senior. Donc nous, dès l'instant où on les prend très jeunes, ça nous donne de très bonnes bases pour pouvoir ensuite les faire monter et intégrer l'école de rink. Et par semaine, les entraînements, combien en avez-vous ? Alors on a beaucoup de plages horaires d'entraînement, on a beaucoup de sections de jeunes. D'ailleurs les jeunes ont obtenu 3 titres la saison dernière de champion de France. Donc on a effectivement des jeunes qui sont aussi performants. Donc ils s'entraînent entre 2 et 4 fois par semaine en fonction des différentes catégories. Et pour l'équipe senior, donc c'est 4 entraînements semaine, plus une séance de récup, plus les matchs le week-end. Et pour tous ceux qui nous écoutent de l'autre côté du poste, et je sais qu'il y en a beaucoup, comment puis-je m'inscrire au SCRA ? Alors tout simplement, la reprise des activités se fera le mercredi 7 septembre, donc une permanence qui sera de 13h30 à 18h, où vous pourrez avoir toutes les informations. Et il y a également 3 séances d'initiation gratuites qui sont proposées aux jeunes qui veulent s'initier. Donc on va rester sur le sport en lui-même, le rink hockey. Le 24 septembre, il y a la reprise du championnat face à La Roche-sur-Yon. Une grosse équipe pour vous ? Oui, quelle affiche. On commence très très dur le championnat cette saison à domicile en recevant le champion de France en titre, La Roche-sur-Yon. Donc c'est un match, je veux dire, qui s'annonce assez musclé et un match, je pense, à ne pas manquer. On a également des événements à venir prochainement ? Alors, deux gros événements. Le premier, c'est la semaine prochaine, c'est une première, le Roller Dancing by Chris. Donc c'est une première édition. C'est vrai que le concept des rollers musique existe depuis un certain nombre d'années au SCRA. Il a été relancé de manière très dynamique il y a 3 saisons. C'est quelque chose qui fonctionne. On accueille à peu près entre 350 et 450 participants. Alors le faire ici à Sénéo, c'est une première. On espère que ce sera une réussite. Le créneau, l'amplitude est assez sympa puisque de 17h à minuit, ce qui permettra peut-être une pratique un peu plus familiale au départ, donc si on a envie de venir patiner avec ses enfants. Et puis voilà, le but c'est de créer un peu une ambiance discothèque, dancing. Donc voilà, un gros événement en perspective. Et pour terminer, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour le SCRA cette année ? Beaucoup de titres. Voilà, beaucoup de titres. Et puis on aura aussi l'occasion de jauger un petit peu l'équipe puisque le tournoi international senior aura lieu 17 et 18 septembre au Brocus à Saint-Omer. Prenez-en bonne note. Merci. Merci Diana Savoie d'être passée dans l'émission ce matin. On vous revoit très prochainement. Prochainement. Et puis merci à Énergie pour tout ce que vous faites, faire vivre les événements. C'est super. Merci beaucoup. Tout de suite, retour à la musique sur Énergie. Et c'est Enrique Iglesias, le son du soleil qui arrive, JF. Merci beaucoup Quentin. Et puis retour naturellement avec un gros match. Hein. Ce sera fin septembre. La Roche-sur-Yon, match de ring hockey à ne pas rater. Ce sera bien sûr un événement avec Énergie. La fête du sport. Un événement organisé par la communauté d'agglomération de Saint-Omer. Solo en tu boca, yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy. Yo te haré acabar ese sufrimiento que te hace llorar. A mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo te

les Sport News, chaque week-end sur Énergie. Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Ce soir tu me souris, même Monica Bellucci. J'ai sorti le gros gamin, ce soir je suis prince de la vie. J'ai mis mes plus beaux tissus, appelle les paparazzi. Ce soir je suis intouchable, je danse comme Omar Sy. Le soir le salut, même Michael Jackson me dit merci. Le DJ me fait une passe et boum dans la nuit car sors de la piste, je fais le grand écart de Van Damme. Je sens que je vais briller. Ce soir je marche sur l'eau, j'ai l'impression de planer. Regardez. Algérie en Coupe du Monde au Brésil. Ce soir je suis un warrior, appelle-moi Stephen Curry. Je sors de deux heures de sport, amène-moi des tirineurs. Comme ce grand blondiné énervé contre Freezer. Ce soir je ne joue pas mais je repars avec les trophées. Tu m'appelais Kirikou, ce soir je suis John Covey. Comme la sœur de Beyoncé dans l'ascenseur avec Jay-Z. Ou comme les trois petits à 6 heures du mat sur mon lit. Je sens que je vais briller. Ce soir je marche sur l'eau, j'ai l'impression de planer. Regardez d'un hublot. Si tu me croises, rien. Si tu me parles, rien. Si tu me touches, rien. Une grosse tête d'affiche, c'est Soprano, il sera, allez c'est déjà sur les sommaires et sur toutes les salles, Soprano sera Sénéo, promis, ce sera très bientôt. La fête du sport à Sénéo, plus de 25 disciplines sportives à découvrir avec Énergie. Et nous allons repartir du côté de Sénéo pour rejoindre eh bien Quentin qui a comme invité eh bien Conrad. On va parler bien sûr handball et c'est un grand rendez-vous naturellement prochainement puisque le championnat redémarre prochainement et puis on l'espère un très bon gardien. Et c'est Quentin qu'on retrouve en compagnie de Conrad tout de suite en direct de Sénéo. Quentin, c'est à toi. C'est parti. Effectivement, JF, toujours en direct ici de la fête du sport, deuxième édition, je le rappelle, avec énormément d'entrées là qui sont en train de se faire depuis ce matin. Je pense qu'on a largement battu le record de l'année dernière. 4000 entrées hier, je le rappelle. On vient de me dire 600 000. 600 000 600 aujourd'hui, 600 entrées ce matin, excusez-moi. 600 entrées ce matin, donc on a largement battu le record de l'année dernière et j'ai avec moi le HBLM et Conrad Delaval, vice-président du HBLM. Bonjour Conrad. Bonjour Quentin, bonjour JF. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin dans les Sports News, évidemment jusque 13h pour parler de un peu tous les sports évidemment. Donc au niveau du HBLM, on va peut-être tracer un petit bilan de la saison dernière, avant de parler de cette saison. Eh bien écoute, on a fini la saison avec toutes les équipes, on a eu un bel événement cet été et on a un bel événement qui arrive au mois de janvier. Le HBLM se porte bien, on est à nouveau dans une année où on va former des jeunes, c'est notre premier objectif. On a été labellisé école de hand par la Fédé, donc ça c'est très valorisant pour les encadrants et puis voilà. L'HBLM se porte bien. Deux belles médailles au JO, je disais, puis un bel événement qui se prépare au mois de janvier, donc ça booste les intéressés. Et en ce qui concerne la prochaine saison, donc cette saison-ci, vous avez fait l'objectif d'avoir des nouvelles recrues ou... On n'a pas de recrues, c'est surtout des joueurs qui ont été formés au club. On a des enfants qui sont là depuis quelques années. On a un nid de jeunes en moins de 18 qui est en train de se former avec une belle équipe régionale. Et on opte pour le local plutôt que d'aller chercher des joueurs à l'extérieur qui souvent font une année ou deux années et repartent. Donc voilà, nous on est vraiment sur le local. On pourrait peut-être donner le nombre de licenciés pour avoir l'importance du... handball ici. Oh, je sais pas s'ils sont connus, mais on a Willy Kerinx qui est aussi étudiant au STAPS de Longnes et qui encadre les jeunes. On a Ahmed Merzak, on a beaucoup de joueurs qui sont du coin et qui sont connus, donc qui font partie de l'équipe senior Fagnon du club. Je suis allé faire un petit tour là tout à l'heure à votre stand. J'ai vu qu'on pouvait retirer directement des licences pour s'inscrire. Ah oui, tout à fait. Alors on peut avoir les licences sur place et puis on fait deux journées portes ouvertes. Le mercredi 7 et le mercredi 14 à partir de 16h30, c'est ouvert à toutes et à tous. Pour les enfants nés à partir de 2012 et donc avant, on essaye de féminiser au maximum le club. On a trois équipes féminines, on essaye de renforcer les effectifs. Donc c'est vraiment un sport, et puis à l'image de l'équipe de France qui est allée gagner une médaille d'argent au JO, c'est un sport qui est en train de se féminiser. Et on en est ravis. Voilà, on accueille tout le monde le mercredi à partir de 16h30 à la salle Maillebois. Et j'ai remarqué également beaucoup de jeunes sur tous les autres stands. Est-ce que le vôtre a accueilli également beaucoup de jeunes? On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de petits. Bah, je le disais en introduction, on a été labellisé par la Fédé École de Hand. Donc on arrive à communiquer dessus et puis ça attire beaucoup de monde. Et enfin, pour terminer, des événements à venir avec la reprise de la saison. Le 17 septembre, vous recevrez Abbeville-Anferin. On se déplace à Abbeville-Anferin pour le premier match. Et puis le premier match à domicile au complexe des Bruyères, c'est face à Grandfort-Philippe pour le premier tour de la Coupe de France. Ce sera le 24 à 20h30, donc au complexe. Et pour terminer, qu'est-ce qu'on peut souhaiter au HBLM cette année? Beaucoup, beaucoup, beaucoup de licenciés, beaucoup de plaisir de handball avant de parler de résultats. Et des victoires, évidemment. Bien sûr, ça coule de source. Conrad, merci beaucoup d'être passé ce matin dans les Sports News. Tout de suite, retour à la musique et c'est Zao qui arrive avec MHD. Merci beaucoup Quentin. Et puis bien sûr, on reparlera de handball, on reparlera de l'équipe de Saint-Omer et de Longnes, puisque ce sera bien sûr dans les Sports News dès le week-end prochain. Il est très exactement 12h sur Énergie, c'est parti jusqu'à 13h. Dans la course avec les Sports News sur Énergie. Énergie. Et merci d'être avec nous, Xao qui arrive. Il n'y a qu'un mot à dire en écoutant l'émission. Il faut le dire. Allez, il ou elle a dit les nouvelles ne sont pas bonnes. Je ne le dirai qu'à toi, ne le dis à personne. Il ou elle a fait, je crois qu'il y a eu mal donne. Ça m'étonnerait vraiment que quelqu'un lui pardonne. J'entends des bruits de couloir au loin qui résonnent. Que ce soit vrai ou faux, tout le monde en fait des tonnes. Si l'ami de tout le monde est l'ami de personne, laissez-moi dans mon coin, ici l'ambiance est bonne. Non, tu n'as pas idée, c'est chaud. Pourquoi verbaliser, c'est chaud. L'ambiance est validée, c'est chaud. Le terrain balisé, c'est chaud. Laisse-les parler. Tu me parles de ma vie, tu sais nada. T'es de ces personnes qui m'étonnent grave. C'est vrai que t'es gentil, mais t'es pas fiable. Encore plus faux que le mec qui n'a pas de défaut. Un tel et un tel sont ensemble, mais c'est vrai. C'est le mytho du coin qui raconte ça. Il a gagné au loto et zappé la mif. Quand le bonheur s'approche, les jaloux pas. Tu l'as quitté d'après ce que tu racontes. Elle t'a quitté d'après ce qu'elle elle raconte. Chacun sa raison, tout le monde parle, mais chacun sa version. Laisse-les croire, laisse-les acter. T'es dans l'hypocrisie, on gravit les paliers. Éloigne-moi des soucis, je suis fatigué. J'ai pas leur temps, je m'en saillais. Non, tu n'as pas idée. C'est chaud. Pourquoi verbaliser? C'est chaud. L'ambiance est validée. C'est chaud. Le terrain balisé. C'est chaud. Laisse-les parler. Demain, on aura zappé.